إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلما كان تدبر القرآن وفهم معانيه مما يطلب لكل مسلم ومسلمة، كان ذلك مهما في غاية الأهمية، وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى ذلك في محكم تنزيله، حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسورة التي في الجمعات، في هذه الجمعة وفي الجمعة الأخرى، السورة التي سنتناول تفسيرها هي سورة الطور. وسورة الطور سورة مكية، ومعنى أنها سورة مكية أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل الهجرة النبوية. وسواء نزلت هذه الآيات في مكة أو في ضواحيها. وهذه السورة، سورة الطور، شأنها كشأن السور المكية، فإنها تتكلم عن الإيمان وتبين أصول الدين وأركان الإيمان. وهذه السورة تنقسم إلى قسمين: قسم ذكر الله مآل الأشقياء، ثم ذكر مآل السعداء. واستفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم الذي تكرر 5 مرات: على إن عذاب ربك لواقع. وأما القسم الثاني من هذه السورة فإنه يتحدث عن الرسالة والرسول وموقف المشركين منه. يقول الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. De comprendre le Coran et de méditer ses sens est une chose demandée à chaque musulman et musulmane. De comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans son noble livre de méditer, de raisonner ce Coran, comme il le dit subhanahu wa ta'ala: ne raisonne-t-il pas ce Coran? Ne médite-t-il pas ce Coran, ou bien leurs cœurs sont-ils cadenassés? Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset: ne médite-t-il pas le Coran? Si il provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. de comprendre le Coran est donc une adoration parmi les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sourate dont on va expliquer l'essence ce vendredi et les vendredis suivants par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est la sourate appelée sourate al-Tur. C'est une sourate qui est appelée sourate makkiyya, c'est-à-dire qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète alayhi sallatu wa sallam n'émigre à Médine. Et ces sourates, c'est-à-dire les sourates makkiyas, ont pour caractéristique de parler de la foi, de faire en sorte que la foi soit ancrée dans le cœur des croyants. Et également, ces sourates expliquent les bases et les fondements de cette religion. Et cette sourate, sourate al-Tur, se divise presque en deux. Une première partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala cite et détaille l'état dans lequel seront les malheureux en enfer. Et il détaille aussi subhanahu wa ta'ala l'état et les conditions des joyeux et des heureux qui profiteront du paradis, de ses jardins et de ses délices. Et l'autre partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la prophétie et répond aux polythéistes qui ne croyaient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit dans cette sourate par At-Tur et le livre écrit dans des parchemins déployés, par la maison peuplée et par le toit élevé, par la mer lorsqu'elle sera portée à ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura bien lieu. Nul ne sera le repoussé le jour où le ciel sera agité de tourbillonnement, et le jour et lorsque les montagnes se mettront en marche. Malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonges. يقول الله تعالى والطور وهذه السورة جاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سورة في صلاة المغرب. والطور هو كل جبل عليه شجر، فكل جبل عليه شجر يقال له طورا، فإن لم يكن فيه شجر فإنما يسمى جبلا. والطور الذي أقسم الله به في هذه السورة وسمى السورة به هو طور مخصوص معلوم، والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة التين وطور سينين. فالطور المقصود به في هذه السورة هو طور سينين، وطور سينين له خاصية ومزية على كل الطور، فهو جبل مبارك حيث ناجى الله عليه كليمه موسى عليه السلام. Par At-Tur. At-Tur en arabe qui signifie une montagne dans laquelle sont présents des arbres. Une montagne dotée d'arbres est appelée Tur en arabe. Celle qui en est dénuée, eh bien, est appelée une montagne. Et cette sourate, sourate al-Tur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lisée, comme cela est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, dans la prière du Maghrib. Et le Tur par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans cette sourate n'est pas n'importe quelle montagne, mais c'est une montagne bien précise dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans une autre sourate qui est la sourate le fig ou le figuier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa tur sinin, et le tour de sinin. C'est une montagne bien particulière qui a des caractéristiques, à savoir que c'est la montagne sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé de vive voix à son envoyé Moussa alayhi salatu wassalam. والطور وكتاب مسطور مسطور يعني مخطوط مكتوب في رق منشور والرق هو ما رق من الجلد والورق، كما جارت العادة في عهد النبوة بالكتابة فيه إلى يومنا هذا. وفي عهد النبوة كانوا يكتبون القرآن فيما رق من الجلد، وفي هذا الزمان يكتب في الورق والورق رقيق، والمنشور في رق منشور، والمنشور هو المفتوح، كما في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا أمامه. والمصحف كما تعلمون كتاب مفتوح يفتحه كل مسلم وينظر فيه ويتأمله ويتدبره، والكتاب المسطور الذي أقسم الله به هنا هو القرآن الكريم. وهكذا جارت العادة في القرآن الكريم أن يقسم الله تبارك وتعالى على القرآن: حميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. فجارت العادة في كتاب الله أن يقسم الله جل وعلا بالقرآن الكريم par le tour et par le livre écrit. Un livre écrit dans des parchemins déployés. Dans des parchemins déployés, c'est-à-dire dans tout ce qui est souple comme matière, et en particulier le cuir, qui était utilisé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'écrire et de retranscrire le Coran révélé de Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et à notre époque, cela concerne ou signifie le fait d'écrire sur des feuilles. Ce qui est utilisé à notre époque comme des feuilles était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des matières souples qu'ils utilisaient comme support. Un parchemin déployé, et dans un parchemin déployé, c'est-à-dire ouvert, comme Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre sourate: et à chaque personne, nous lui attacherons ses œuvres à son cou, et le jour du jugement, nous lui présenterons un livre ouvert. Il lui sera dit: lis, et tu seras le juge de toi-même aujourd'hui. Et ce livre écrit dans des parchemins déployés est le Coran, le livre saint et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jalla jure par son Coran, par sa parole, dans de nombreux versets, comme Allah azza wa jalla dit Hamim par le livre manifeste, et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Yasin par le livre sage, et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Qaf par le livre majestueux, et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Sad par le livre doté de rappel. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. أقسم الله عز وجل هنا بالبيت المعمور. فما هو البيت المعمور؟ هو بيت في السماء السابعة رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ورأى إبراهيم مسندا ظهره عليه جزاء وفاقا، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت المعمور في الأرض، فرفعه الله إلى البيت المعمور في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الألباني: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فهذا البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله عز وجل فيه، ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا، ويأتي الغد سبعون ألف ملك آخر. والبيت المعمور كما قلت بيت في السماء السابعة، خلقه الله تعالى واتخذه لعبادة الملائكة في السماء، واتخذه الله عز وجل لعبادة الملائكة في السماء، وكما اتخذ الكعبة لعبادة المؤمنين في الأرض. Et par la maison peuplée. Qu'est-ce que cette maison peuplée par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans cette sourate? Eh bien, c'est une maison qui se trouve au-dessus des sept cieux. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y a été élevé lors de son voyage nocturne et lors de son ascension vers les cieux. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a vu Ibrahim adossé à cette maison, car Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a construit les bases de la Kaaba, de cette maison peuplée sur terre. Eh bien, Allah azza wa jalla l'a récompensé en l'élevant au septième ciel et en lui permettant de s'adosser sur cette maison peuplée qui, elle, se trouve au septième cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte son récit du voyage nocturne et de l'ascension lorsqu'il dit, et c'est alors que j'ai vu Ibrahim adosser son dos sur la maison peuplée, et c'est alors qu'il entre, c'est-à-dire dans cette maison, chaque jour 70 000 anges qui, lorsqu'ils en sortent, n'y retournent plus. C'est donc une maison en laquelle les anges adorent et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque jour, ce sont 70 000 anges qui entrent. Et ces anges sont différents de ceux qui y ont adoré Allah Azza wa Jal la veille. Ainsi Allah Azza wa Jal a établi une maison peuplée dans les cieux afin que l'adorent ses anges. De la même façon, Allah Azza wa Jal a établi une maison sacrée sur terre afin que ses serviteurs pieux puissent l'adorer. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. وهذا السقف هو السماء أو هي السماء، فالله جل وعلا جعل السماء سقفا للأرض كما قال عز من قائل وجعلنا السماء سقفا محفوظا والبحر المسجور. قيل البحر مملوءا بالماء قد سجره الله ومنعه أن يفيض على وجه الأرض، وقيل بأن المسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة والعياذ بالله. وهكذا كرر الله سبحانه وتعالى القسم بهذه الأشياء الخمس، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته إنما يلفت أنظار العباد إلى عظمة هذا المخلوق وإلى عظمة منزلته عند الله، وليس للمخلوق أن يقسم إلا لله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا أو إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والعياذ بالله. فينبغي وكان لزاما لكل مسلم يرجو النجاة أن يصون لسانه عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. في الله عز وجل أجري par le toit élevé. Qu'est-ce que ce toit élevé? Ce n'est autre que le ciel. Allah Azza wa Jal a créé le ciel comme étant un toit pour la terre. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate, nous avons fait du ciel un toit protégé. Puis Allah Azza wa Jal a juré par l'océan qui est agité ou qui ébullitionne. Qui est porté à ébullition C'est-à-dire que les mers et les océans le jour du jugement seront des océans de feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils seront tellement chauds qu'ils bouillonneront et seront portés à ébullition. Ainsi Allah Azza wa Jal a juré par ces cinq choses. Allah Azza wa Jal a juré par ces cinq choses. Et Allah Azza wa Jal a le droit de jurer par la créature qu'il désire, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il jure par une créature, ceci est pour montrer l'importance de celle-ci et sa grande place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'appartient à aucune créature de jurer par autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Prends garde, chers musulmans et chères musulmanes, de ne jurer que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne jure que par Allah, et prends garde de ne pas jurer par autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allah vous interdit de jurer par vos parents. Allah vous interdit de jurer par vos parents. Ne dis pas par la tête de ma mère, par la tête de mon père, par la tête de mon petit frère ou de ma petite sœur. Laisse-les tranquilles là où ils sont. Jure plutôt par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit: et celui qu'il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: celui qui jure par autre qu'Allah, eh bien, aura commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Il est donc demandé à chaque musulman et musulmane qui espère le paradis et qui désire être épargné de l'enfer de protéger sa langue, de proférer des serments qui sont dit pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursaleen نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل أقسم بهذه الأمور الخمسة بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع، وأقسم الله عز وجل بالبحر المسجور. فما هو جواب القسم؟ على ماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأمور الخمسة؟ قال الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع، أي سيقع بلا تردد، سيقع ولا محالة، كما قال تعالى في سورة أخرى: سأل سائل بعذاب واقع ليس للكافرين، أو للكافرين ليس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وفي إضافة العذاب إلى الرب، أي لما قال الله عز وجل إن عذاب ربك، هذا إشارة إلى على شدة هذا العذاب. لذلك وصف الله هذا العذاب في القرآن بالأليم والشديد والعظيم والمهين، وقال الله عز وجل وصفا لهذا العذاب: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكلما قرأت وكلما سمعت وكلما رأيت من صور التعذيب في الدنيا فهو أي عذاب الآخرة دون ذلك، فهو دون عذاب الآخرة، ما له من دافع، أي هذا العذاب الواقع في الكافرين وفي الظالمين والفاسقين ما له من دافع. أي ليس أحد يدفعه عنهم ولا راد يرده عنه. الله عز وجل a juré par ces cinq choses, par Tour, par le livre écrit dans des parchemins déployés, par la maison peuplée, par le toit élevé et par la mer portée à ébullition. Sur quoi Allah Azzawajal a-t-il juré? Quelle est la réponse de ce serment? Allah Azzawajal a dit, le châtiment de ton Seigneur viendra inévitablement. Allah Azzawajal a juré par ces cinq choses que son châtiment viendra et que son châtiment aura bien lieu. Allah Azzawajal a dit également dans une autre sourate, un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable que nul ne pourrait repousser pour les non-musulmans. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, pour décrire ce châtiment, ce jour-là, nul ne sera châtié comme lui châtie. Et nul ne sera attaché comme lui attache. Le châtiment du jour du jugement est énorme. Et comme Allah Azzawajal l'a décrit de plusieurs façons, il l'a décrit comme étant al-alim, comme étant douloureux, comme étant extrêmement dur, comme étant immense, comme étant humiliant. Sache donc, chers musulmans et musulmanes, que tout ce que tu peux lire, que tout ce que tu as pu entendre, que tout ce que tu as pu voir comme moyen de châtiment et comme façon de châtier dans cette vie d'ici-bas, eh bien, cela sera ridicule et sera risible devant le châtiement de l'au-delà qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jalla dit « Ma lahu min dafi'a » Personne ne saura le repousser. Lorsque le châtiment d'Allah arrive, personne n'est capable de le repousser. Personne n'est capable de s'en sauver. « Yawma tamuru as-sama'u mawra » يوم تمور السماء مورا والمور هو دوران السماء على نفسها دورانا سريعا ولك أن تتخيل أيها المسلم أيتها المسلمة لك أن تتخيل الرعب والهلع والفزع الذي يصيب الناس وهم يرون السماء تمور فوق رؤوسهم هَاوِيَةً نَحْوَهُمْ. Puis Allah Azza wa Jalla dit, le jour où le ciel se mettra à tourbillonner, le jour où le ciel se mettra à tourbillonner, وَالْمَوْرُ en arabe, c'est le fait que le ciel tourne sur lui-même à une vitesse gigantesque. Imaginez l'état de ces personnes, l'état de ces gens qui, dans cette attente affreuse du jour du jugement, verront le ciel tourbillonner à une vitesse vertigineuse au-dessus de leur tête et qui se rapproche petit à petit d'eux. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا أي الجبال أي تجري الجبال وتمشي كما قال الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وويل كلمة وعيد وكلمة تهديد والمراد بالمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين كانوا يقولون كما أخبر الله عز وجل ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ثم فجأة وجدوا أنفسهم والقيامة أمامهم وأمام أعينهم فصاروا يدعون بالويل على أنفسهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ف فأجيبه من قبل الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والله عز وجل لا يخلف الميعاد. Et le jour où, puis Allah Azza wa Jalla a dit, et le jour est lorsque les montagnes se mettront en marche, lorsque les montagnes se déplaceront malgré leur immensité et malgré leur masse impressionnante, et bien ces montagnes se déplaceront, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate, et tu verras les montagnes. Tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Tu les crois immobiles. Tu les crois de la roche qui ne bouge pas alors qu'elle se déplace. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonges. Malheur ce jour-là. Wail, c'est une parole qui est dite pour menacer et pour mettre en garde. Malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonge, c'est-à-dire à ceux qui n'auront pas cru en ce rendez-vous, à ceux qui n'auront pas cru qu'un jour ils seront ressuscités après leur mort, ceux qui n'auront pas cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a créés de néant, est capable de les faire ressortir de leur tombe, comme Allah azza wa jalla l'a dit les concernant, ils diront, ceci n'est que notre vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et ne nous fait périr que le temps. Ce qui nous fait mourir, c'est le temps. Et une fois que nous serons morts, eh bien, toutes les choses s'arrêteront. Et il n'y aura plus de suite à tout cela. Ainsi, il disait dans cette vie d'ici-bas. Puis, ils seront surpris en se trouvant le jour du jugement. Et en voyant ce jour du jugement et ses tourments de leurs propres yeux. Et à ce moment, leur discours changera. Le discours qu'ils avaient eu dans cette vie d'ici-bas ne sera pas celui qu'ils auront le jour de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de ceux justement qui ont traité de mensonges, Allah Azza wa Jalla a dit en parlant d'eux, ils diront, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ? Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ? Nous étions dans la tombe, morts. Qui a fait en sorte que la vie revienne à nous et que nous nous trouvions dans une situation comme celle-ci? Et il leur sera répondu, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, « Hala ma wa'ad ar-Rahman » Ceci est ce qu'avait promis le tout miséricordieux. Et les prophètes et envoyés avaient dit vrai. Les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jalla qui étaient venus à vous en vous ordonnant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien de lui associer, en vous mettant en garde d'un jour où vous rencontrerez votre Seigneur, d'un jour où vous devrez répondre de vos actes, prenez garde, adorez Allah azza wa jal avant qu'il ne soit trop tard. Et les prophètes et les envoyés disaient, je ne veux de vous ni argent, ni récompense, ni un poste haut élevé. Ma seule mission est de transmettre et de vous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma seule motivation est de vous sauver du feu de l'enfer qui sera éternel. Prenez garde. Et c'est là où ces peuples qui ont désobéi à leurs prophètes et n'ont pas cru en eux malgré les miracles, malgré les preuves évidentes de leur véracité, eh bien, soit Allah azza wa jal les a exterminés et s'en est débarrassé, soit par un vent, soit par des pierres, soit par un déluge. Eh bien, cela n'est qu'un châtiment d'ici-bas, mais il y a un châtiment beaucoup plus douloureux, celui de l'au-delà qui les attend. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yulhimana ar-rushd wa an يجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم قنا عذابك اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد يوم تبعث عبادك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك الفردوس الأعلى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا قوي يا عزيز، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا قوي يا عزيز، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.